Réflexion en forme de lettre au sujet d'un système prétendu nouveau, sur le mystère de la Trinité. Par Armand Boisbleau de la Chapelle. J'ai fixé l'idée du sabellianisme, il ne me reste plus qu'à voir si cette idée est celle de l'auteur de la lettre. Je le soutiens et voici mes raisons. Détail des oppositions sabelliennes au système, on y voit le sabellianisme tout pur. L'auteur pose dans son premier principe que la divinité est unique en nombre, indépendante et indivisible, dans le quatrième et le cinquième, que cette divinité est le Père, considéré tel qu'il est en lui-même, ou comme il l'appelle la divinité toute pure. Dans le deuxième que cette divinité s'est unie très étroitement, et par union personnelle à deux êtres intelligents finis. Dans le troisième que ce Dieu et ces deux êtres finis auxquels Dieu s'est uni constituent trois personnes. Dans le sixième que ces trois personnes sont un, en tant que chacune des trois est Dieu, et le même Dieu que les deux autres, et dans le huitième que la relation qu'il y a entre le Père et les deux autres personnes est une relation qui a lieu entre la divinité qui est toute pure dans la personne du Père et les deux intelligences finies, c'est-à-dire, comme il s'explique lui-même, que cette relation n'est pas une relation entre la divinité du Père et la divinité du Fils ou la divinité du Saint-Esprit, car ce ne sont pas trois divinités différentes, mais le seul et même Dieu, le seul et même être qui ne saurait être mis en relation avec lui-même. Qu'est-ce que tout cela veut dire, si ce n'est qu'il n'y a réellement qu'une personne divine sous trois dénominations différentes, et que la même divinité, unique en nombre et indivisible, est appelée le Père, quand on le considère comme la divinité toute pure, est appelé le Fils, quand on la considère comme unie personnellement avec certaines intelligences finies, est aussi appelé le Saint-Esprit, quand on la considère dans son union personnelle avec certaines autres intelligences créées. Première preuve de sabellianisme. En effet, monsieur, en premier, prenez bien garde que cet auteur ne dit jamais qu'il y a trois personnes divines. Il dit bien qu'il y a trois personnes, et vous le voyez même par tout occupé singulièrement à faire sentir que cette Trinité est réelle. Mais vous ne verrez nulle part qu'il admette, en autant de mots, trois personnes divines. Quand le titre de personne divine paraît dans son écrit, ce n'est que dans les endroits, page 6, 10, 14, où il parle selon le système des orthodoxes. Dans les lieux où il parle selon le sien, vous ne trouverez rien de semblable, et l'attention qu'il apporte à s'abstenir de ces termes va jusqu'au scrupule. Or s'il croyait qu'il y a trois personnes divines, pourquoi ce ménagement extrême? Pourquoi ces précautions infinies? Deuxième preuve de sabellianisme. Rendons-lui justice, et remarquons en second qu'il ne pouvait se servir de ces termes sans se contredire si grossièrement lui-même que les plus stupides s'en seraient aperçus. Dans ses définitions, une personne est une intelligence substantiellement distincte d'une autre, et par conséquent reconnaître trois personnes, c'est, selon lui, reconnaître trois dieux substantiellement distingués, et par conséquent encore, saigner l'unité de l'être suprême. C'est ainsi qu'il s'en exprime, en raisonnant contre les orthodoxes, page 7. Si l'on se déclarait, dit-il, pour une distinction de substance, les trois personnes feraient trois dieux, et les trois ne pourraient pas être un, comme l'Écriture nous l'enseigne. Après une décision si précise, se pourrait-il qu'il eût osé admettre trois personnes divines, dans le même écrit où le grand principe, sur lequel tout est bâti, se réduit à ceci que la divinité est une en nombre et indivisible. Ces trois personnes ne sont donc qu'un Dieu et deux êtres créés, puis qu'à ce qu'il dit, page 22, la distinction des trois personnes est une distinction de substance à substance, et par conséquent il n'y a dans son système qu'une seule personne divine. Troisième preuve de sabellianisme. Mais troisièmement, qu'est-il besoin de raisonnement? Pour savoir si dans ce système il y a plus d'une personne divine, il n'y a qu'à compter. La première est le Père qui est la divinité toute pure, et considérée telle qu'il est en lui-même. La seconde est ce même Père qui devient une divinité composée eu égard à l'union hypostatique avec une intelligence finie. Et la troisième est ce même Père, qui devient encore une divinité composée eu égard à une seconde union personnelle avec une autre créature. Ce Père en s'unissant se divise-t-il, ou ne se divise-t-il point? S'il se divise, voilà trois dieux, et s'il ne se divise point, comme en effet cela ne se peut, puisque la divinité est une en nombre, et indivisible, ne voilà qu'une seule personne divine. Ce n'est jamais que le Père qui change seulement de dénomination par son union personnelle avec deux intelligences finies. Quatrième preuve de sabellianisme. Cela est si vrai que l'auteur se tue de le dire et de le répéter, page 16. La nature divine, dit-il, qui est la même dans chacune des trois personnes, et au regard de cette faute est l'original que je copie, laquelle ils font un seul et même Dieu, et dans les trois, une même essence divine, unique non seulement en espèce, mais aussi en nombre, page 23. La divinité qui est un être intelligent infini, est dans l'un et dans l'autre, le Père et le Fils, et il ne saurait y avoir plus d'un Dieu, page 24. Il faut qu'il y ait entre elles, les trois personnes, trois intelligences, une infinie qui est Dieu, et qui est commune aux trois personnes, et deux autres finies qui sont particulières au Fils et au Saint-Esprit. Pages 35 et 36. Ils disent que les trois personnes sont trois manières d'être de la divinité. Dans quel système cela se peut-il dire d'une manière plus intelligible que dans le mien? La divinité n'est-elle pas d'une manière différente dans le Père, dans le Fils, et dans le Saint-Esprit? Page 41. La nature divine est unique en nombre, et la même dans chacune des trois personnes. Quand on lit tout cela, peut-on s'aveugler assez pour ne pas voir que selon cet auteur, il n'y a réellement qu'une personne divine. Cinquième preuve de sabellianisme. J'avoue qu'il a imité la prudence mondaine de Sabellius, et qu'il s'est caché encore avec plus de soin que ne le fit cet ancien hérétique. En s'abstenant des expressions choquantes de son maître Noé, Sabellius conserva les termes fondamentaux du paradoxe, et avança comme lui, qu'il n'y avait en Dieu, qu'une seule hypostase, ou qu'une seule personne. Aujourd'hui cette expression choquerait certainement tout le monde. On n'est plus accoutumé à entendre traiter Dieu de personne quand il s'agit de parler de l'essence divine. On ne pourrait dire ni de cette essence, c'est une personne, ni de ses opérations, cette personne a fait telle chose. D'ailleurs avancez crûment qu'il n'y a, en Dieu, qu'une personne sous trois dénominations différentes, ce serait avouer trop ouvertement le sabellianisme, et l'aveu seul du sabellianisme ouvrirait les yeux à quantité de lecteurs. Le sabellien moderne a donc évité soigneusement cet écueil. Les anciens termes ont disparu dans son écrit. Il n'y a reflété que le dogme. Au lieu de dire qu'il n'y a en Dieu qu'une seule personne, On dit que la divinité est unique en nombre et en espèce, que le Père est cette divinité toute pure, et au lieu de dire que cette personne unique a trois dénominations, on dit que ce Père s'est uni personnellement avec deux intelligences finies. Sixième preuve de sabellianisme. Malgré cette affectation contrainte, on voit, au travers du mystère, que le secret échappe à l'auteur, et que rien n'est plus facile que de le lui arracher. Le Père, dit-il, est une personne, cette personne est la divinité toute pure et la même que la divinité unie, cette divinité, tant pure qu'unie, est unique en nombre, donc il n'y a dans ses propres termes, qu'une seule personne divine, et il ne saurait y en avoir numériquement davantage. Donc encore le Fils et le Saint-Esprit, ou ne sont point Dieu à parler proprement, ou considérer chacun comme Dieu, en conséquence de l'union personnelle, ils ne le sont que comme d'autres dénominations de la personne du Père. Que si, vous m'objectez là-dessus que cependant il admet trois personnes, et trois personnes d'une distinction très réelle, je vous rappellerai d'abord ma première remarque. Oui, il admet trois personnes, un Dieu et deux créatures, mais il n'admet point trois personnes divines, au contraire il ne reconnaît, entre elles trois, qu'une seule intelligence infinie. Or si cette intelligence infinie est la nature divine, et si cette nature divine est unique en nombre, et si cette nature divine unique en nombre est indivisible, et si cette nature divine unique en nombre et indivisible est la personne du Père, ne s'ensuit-il pas de démonstration, qu'il n'y a selon lui, non plus que selon Sabellius, qu'une seule personne divine qui a diverses dénominations? Septième preuve de la sabellianisme. Ce n'est pas tout que d'avoir fidèlement copié le plan de Sabellius. Cet auteur a même porté le paradoxe jusqu'à faire revivre le sentiment de Noé, que le Père s'est incarné, et a souffert sur la croix. Dans son système, il y aurait en Jésus-Christ depuis l'incarnation trois natures, celle de Dieu, celle de l'ange, et celle de l'homme. Cette trinité de nature dans notre Sauveur l'embarrasse beaucoup, et pour se tirer de ce pas il penche à croire que la nature angélique est descendue à l'état assez humiliant de n'être plus qu'une âme humaine. Mais alors Jésus-Christ n'est Dieu que parce que le Père qui est la divinité toute pure s'est uni à l'homme. C'est donc le Père qui s'est incarné pour notre salut, qui a vécu sur la terre, et qui mourut sur la croix. Il a tout au plus changé de dénomination. Mais enfin il est toujours le Père sous un nom différent, et qu'est-ce que Noé disait autre chose? Le noétianisme et le sabellianisme ne font-ils donc pas tout pur dans ce système? Ou s'ils y sont déguisés, est-ce autrement qu'à la faveur de quelques petites équivoques, ou de quelques changements dans les termes? Le système a tellement joint l'arianisme au sabellianisme qu'il n'a rien changé ni à l'un ni à l'autre. Ayant ainsi démontré, dans ce système d'un côté l'arianisme, et le sabellianisme, je ne conçois qu'une seule réflexion que vous puissiez m'opposer. Est-il vraisemblable, me direz-vous, qu'on ait pu joindre ces deux systèmes sans y faire quelques changements d'importance, qui tempèrent la vertu de l'un et de l'autre? Si la chose est vraisemblable, vous répondrai-je, elle est si forte qu'il ne se peut rien de plus vrai, et pour mettre ceci au-dessus de tout doute et de toute chicane, je vais considérer à présent la composition que l'auteur a faite de ces deux hérésies. Toute la finesse de cette composition consiste, comme je l'ai déjà dit, à coudre bout à bout ces deux systèmes de sorte que le tout n'est ensemble que ce qu'il était séparément, La Trinité sabellienne, hantée, greffée, sur la Trinité arienne. C'est là le mystère. Si l'on s'imagine qu'il en résulte autre chose, ce n'est qu'à la faveur de l'illusion que fait, à l'esprit, l'union personnelle du Père avec le Fils et le Saint-Esprit dont l'auteur a fait comme la pièce qui joint les deux bouts. Cette illusion étant la seule chose qui ait pu en imposer à quelques personnes, et qui peut-être en est imposée à l'auteur lui-même, il ne sera pas inutile de s'y arrêter. Voyons d'abord l'idée qu'il nous donne de cette union personnelle. L'union personnelle du Père avec le Fils et Saint-Esprit ne remédie à rien. Cette idée est contenue dans son deuxième principe. Dieu, y dit-il, s'est uni à chacun de ces deux êtres intelligents finis d'une manière très étroite. Je puis appeler cette union, union personnelle, prenant le terme de personnel dans le même sens que les orthodoxes le prennent quand ils l'appliquent à l'union de la nature divine avec la nature humaine de Jésus-Christ. Il avait dit auparavant que cette espèce d'union est la clé de son système en ce qu'il a de spécifiquement distinctif, page 15. La doctrine de l'incarnation de Jésus-Christ, dit-il, doctrine que je reçois avec une persuasion entière comme elle est reçue et enseignée parmi les orthodoxes me fournit la clé et le dénouement de tout l'énigme. Il y a, dit-il encore un peu plus bas, page 16, il y a dans le Fils et dans le Saint-Esprit une nature finie et dépendante, unie avec la nature divine de la même manière que les orthodoxes enseignent que Jésus-Christ est Dieu et homme. En conséquence de cette union personnelle, il dit dans son principe 5 que la nature divine, unique en nombre, est la même dans chacune des trois personnes, dans le 6 que les trois font un, sous un certain égard, en tant que chacune des trois est Dieu, est le même Dieu que les deux autres, dans le 7e qu'au lieu que depuis l'incarnation Jésus-Christ est Dieu et homme, il était auparavant Dieu et ange. Dans le 8e que ce ne sont pas trois divinités différentes, mais le seul et même Dieu, le seul et même être, et dans le 11e que le Fils, et le Saint-Esprit, considérés en tant que Dieu, sont égaux au Père, puisqu'ils sont le même Dieu que le Père. N'est-il pas vrai, monsieur, que c'est sur ces expressions-là, que, vous avez cru bonnement que le sentiment orthodoxe est bien plus expliqué que détruit par ce système, et qui ne le croirait comme vous, si l'on s'en rapportait à l'auteur, page 35. Il y a si peu de différence, dit-il, entre ce système et la doctrine reçue parmi les orthodoxes qu'on peut le recevoir sans presque rien changer à leur confession de foi. Qui ne le croirait même à ne lire que superficiellement les termes qu'il emploie, un Dieu indivisible, trois personnes, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit, trois personnes égales entre elles, trois personnes dont chacune est Dieu, trois personnes qui font un, trois personnes qui font un seul et même Dieu, où est le mal, dira-t-on, d'exprimer tout cela par l'union personnelle dont tout le monde se peut faire aisément quelque idée, plutôt que par le terme de homoousios, ou de consubstantiel qu'il est si difficile d'entendre? Pourquoi nous embarrasser des décisions des conciles, ou des expressions de l'école, pourvu que nous ayons une trinité de personnes divines, et que Jésus-Christ soit vrai Dieu béni éternellement avec le Père? Doucement, monsieur, s'il vous plaît, je vous arrête là. Vous voulez une chose que l'auteur ne vous donne, ni ne veut vous donner. Son union personnelle vous la ravisse en ressources. Ce terme est simplement substitué à celui de dénomination dans le plan de Sabellius, et n'est effectivement autre chose. La seule trinité réelle que cet auteur veut laisser est celle d'Arius, et là-dessus juger de la bonne foi d'un homme qui nous dit froidement qu'il n'y a presque rien à changer dans nos confessions de foi pour y incorporer son système. Ceci est grave, et vous me blâmeriez à coup sûr si je n'appuyais pas de bonnes preuves l'accusation que j'intente. De l'aveu de l'auteur, l'union personnelle n'opère que trois modes. Dans l'endroit même où il parle du peu de distance de sa confession de foi à la nôtre, il se démasque si clairement que je ne conçois pas que qui que ce soit puisse donner dans le piège. Voici comme il spécifie cette différence, si mince, si légère, si imperceptible, page 35. Les orthodoxes, dit-il, croient qu'il y a un seul Dieu, et qu'il y a trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, chacune desquelles est Dieu. Ils continueront à le croire, et bien loin qu'ils soient obligés de changer quelque chose à leurs expressions, le mot de personne qui étant pris au pluriel n'a aucune idée dans leur système, conserve dans celui-ci la signification naturelle et connue. Pesez bien la remarque. Le mot de personne, pris dans le sens des orthodoxes, ne signifie rien au pluriel, et pourquoi? C'est que qui dit trois personnes divines prononce des mots sans idée. Et pourquoi cela encore? C'est qu'alors selon lui, page 7, les trois personnes seraient trois dieux, et que les trois ne pourraient pas être un, si la distinction est de substance à substance. Mais ce ne sera plus cela si la distinction est de manière d'être à manière d'être, car alors il pourrait y avoir 200 millions de personnes divines, et dans ce cas, si c'est ainsi que les orthodoxes l'entendent, leur sentiment est celui de l'auteur, page 35. Ils disent, dit-il, que les trois personnes sont trois manières d'être de la divinité. Dans quel système cela se peut-il dire d'une manière plus intelligible que dans le mien? La divinité n'est-elle pas d'une manière différente dans le Père, dans le Fils, et dans le Saint-Esprit? L'union personnelle du Père, avec les deux intelligences finies, n'opère donc dans la divinité que trois manières d'être, que trois modifications, que trois dénominations à la sabellienne. Il est impossible qu'elle opère autre chose. Il est en effet impossible deuxièmement qu'il en résulte autre chose, et le Père qui est indivisible, en tant que la divinité toute pure, s'unirait avec 200 millions d'êtres, que cette assomption ne multiplierait pas d'une seule le nombre des personnes divines. Je ne dis pas que le nombre des personnes, unies avec le Père, ne fût alors de 200 millions, mais je dis que ces 200 millions de personnes, unies avec le Père, ne seraient point en nombre tout autant de personnes divines. Il n'y aurait jamais que le Père qui le fût de cet ordre, et par conséquent il n'y aurait jamais qu'une seule personne divine. La raison en est claire. Cette raison en est l'indivisibilité de la personne du Père, qui est unique en nombre et en espèce, puisqu'elle est l'essence même de la divinité, ou la divinité toute pure. Cet être peut s'unir avec d'autres, et avec autant d'autres qu'il lui plaira, j'en conviens, et s'unir même de la manière la plus étroite qui soit possible entre un être infini, et des êtres finis. Mais s'il ne se peut diviser, comment est-ce que son union avec eux les rendra ses égaux, et produira une pluralité d'êtres infinis comme lui, et distincts de lui? L'union personnelle de deux natures en Jésus-Christ n'a produit qu'une seule personne divine et la même qui était elle avant l'incarnation. Il en doit être de même de l'union personnelle du Père avec deux natures finies. Si l'on répond à cela, que cependant l'union de la nature divine avec la nature humaine a fait, dans l'incarnation de Jésus-Christ, une personne divine. Je dis que c'est là précisément ce qui a anéanti le système d'une manière à ne se pouvoir jamais relever. Dans l'incarnation du Verbe, une personne divine s'unissant avec une intelligence finie, il a résulté de cette union une personne divine, qu'il était auparavant. Servons-nous des expressions de l'auteur. Avant l'incarnation, le Verbe était une personne divine toute pure, après l'incarnation elle a été une personne divine composée, mais elle n'a jamais été ni devant ni après, qu'une seule personne divine, et si au lieu de s'unir avec un homme, les Verbes s'étaient unis avec 20, ou avec 100 si vous voulez, il n'y aurait eu que la seule et même personne divine sous 20 ou 100 dénominations différentes. La chose est si certaine que, selon le système des orthodoxes, suivi, sur ce point, par l'auteur, l'incarnation du Verbe n'a point multiplié le nombre des personnes divines. Avant il n'y en avait que 3, et depuis il n'y en a pas eu plus de 3. Or je dis, que si l'union personnelle du Père, avec 2 intelligences finies, a produit 3 personnes divines, d'une seule qu'il y en avait avant cette union, il faut de toute nécessité que l'union personnelle du Verbe, avec une intelligence humaine, ait produit une 4e personne divine. Elle ne l'a point fait, donc l'union personnelle du Père, avec le Fils et le Saint-Esprit, n'a point opéré non plus une trinité de personnes divines. Si ce n'est pas là une démonstration, je ne comprends pas ce qu'on peut appeler de la sorte. Cependant, et quelque désagréable qu'il soit de s'étendre sur des choses si claires, je veux bien me donner la peine de tourner celle-ci d'une autre façon. Je suis l'auteur. J'entre dans ses vues. J'admets son système, et je compte. Le Père, qui est la divinité toute pure, une personne. Le Père unit avec le Fils, 2 personnes. Le Père unit avec le Saint-Esprit, 3 personnes. Le Père unit avec le Fils et avec l'homme, 0. Celle-ci n'est rien selon lui, elle ne tient aucun rang dans le nombre des personnes divines. Et d'où vient cela si le Père s'est aussi uni avec l'homme comme il s'était uni avec le Fils, et le Saint-Esprit? Est-ce que dans l'incarnation, Dieu se serait séparé du Fils, et qu'il n'y aurait que l'intelligence angélique qui s'y fût unie à la nature humaine? Cela ne se peut, car l'auteur reconnaît, page 42, qu'au lieu que le Fils avant l'incarnation était Dieu et ange, il est devenu Dieu et homme. Quoi? C'est Dieu qui s'unit à l'homme, et cette union avec l'homme ne produira pas une nouvelle personne divine, si pour opérer une multiplication de personnes divines, il ne faut que l'union personnelle de Dieu avec des êtres finis? Parlons naturellement, monsieur, la matière est trop sérieuse pour équivoquer. En s'incarnant, la seconde personne de la Trinité n'a pris en tant que personne divine qu'une nouvelle manière d'être. Auparavant elle était un Dieu invisible, si vous voulez bien me permettre de parler en orthodoxe. Dans l'incarnation, ce Dieu, autrefois invisible, s'est manifesté en chair, Jean 1, 14, s'est rendu visible dans la nature humaine. De Dieu qu'il était, il est devenu Dieu homme, sans cesser d'être toujours la seule et même personne divine. Tel est le sens où les orthodoxes prennent l'union personnelle, en parlant du Verbe incarné. L'auteur nous déclare, en termes bien formels, qu'il entend au même sens l'union personnelle du Père avec 2 intelligences finies. Il ne peut donc l'entendre que d'une autre manière d'être. De père qu'il était auparavant, il est devenu Père et Fils, Père et Saint-Esprit, sans cesser pour cela d'être toujours une seule et même personne divine, et qu'est-ce, je vous prie, qu'une diversité de dénominations de la même personne divine? Dans la deuxième et la troisième personne, y a-t-il d'autres dieux que le Père, et la divinité composée n'est-elle pas, spécifiquement, et numériquement, la même que la divinité toute pure? Oui, sans doute, et l'auteur en doit être cru, page 42. Ces trois, dit-il, sont un sous un certain égard. Prenez garde à sa restriction, c'est un n'est pas réellement trois, et ces trois ne sont pas un réellement. Ils ne le sont qu'à certain égard, et comment? En tant que chacun des trois est le même Dieu que les deux autres. S'il avait dit en tant que chacun des trois est la même personne divine que les deux autres, personne ne s'y serait mépris, et cependant, dans son système, peut-il avoir voulu dire autre chose? Par l'union personnelle de l'être infini avec des êtres finis, l'auteur n'entend qu'une manifestation plus qu'ordinaire de la majesté divine, de sorte que la majesté divine ne fait que s'y modifier. Non, monsieur, il ne peut avoir voulu dire autre chose, et voici comment je le démontre, d'une manière, à mon avis, invincible. Qu'est-ce après tout, que l'union personnelle d'un être infini avec des êtres finis? Ne regardez point cette question comme étant captieuse, et d'un homme qui cherche simplement à chicaner. Rien ne peut être plus éloigné de mes vues, mais vous jugez bien, vous-même, que c'est de l'idée, qu'on attache au terme, d'union personnelle que dépend toute la solidité du système, et que c'est par conséquent cette idée qui le doit soutenir, ou qui doit le faire tomber. Il m'est donc impossible d'éviter la question que je viens de faire, puisque c'est là ce qui doit décider de la force ou de la faiblesse de mes raisonnements. Ne craignez pourtant point qu'à cette occasion j'aille vous plonger dans les spéculations scolastiques. Je consens à ne définir l'union personnelle de Dieu avec des créatures que par les notions que l'auteur nous en donne lui-même. Cette notion est certainement celle d'une relation toute pure, et d'une simple manière d'exister ou d'agir. Je ne le dis point pour lui en faire un procès, ou pour disputer là-dessus contre lui. Je dis seulement que ce qu'il appelle une union personnelle, n'est, selon lui, qu'une relation plus étroite d'un être à un autre, et qu'ainsi dire que Dieu s'unit personnellement avec des intelligences finies, c'est dire uniquement qu'il se manifeste, dans ses intelligences, d'une façon plus singulière et plus brillante qu'il ne le fait ailleurs. Si le ciel était intelligent, on dirait dans ce sens que Dieu est uni personnellement au ciel, parce qu'il y montre avec plus d'éclat la majesté souveraine, et qu'il l'honore extraordinairement de sa glorieuse présence. Il en serait de même du temple, que Dieu remplit de la gloire, du buisson ardent où il se fit voir miraculeusement à Moïse, et de tant d'autres choses semblables. Cette union, de présence extraordinaire, ne diffère de l'union personnelle, qu'en ce que l'auteur ne conçoit celle-ci possible qu'avec des êtres intelligents unis ou non unis à des corps, et peut-être aussi qu'en ce qu'à son avis, l'union doit être permanente pour être personnelle. Lisez les paroles suivantes, et voyez si je n'ai pas bien pris sa pensée, page 46-47. Nous adorons Dieu, dit-il, selon qu'il se fait considérer à nous, ou dans la personne du Père, ou dans les personnes du Fils et du Saint-Esprit, auxquelles il s'est uni, et dans lesquelles il nous manifeste sa glorieuse présence. C'est ainsi qu'il la manifestait autrefois, quoique d'une manière moins expresse, et qu'il recevait aussi les hommages et le culte des hommes à qui il se manifestait, dans le buisson enflammé au milieu duquel Dieu parla à Moïse, dans la colonne de nuée et de feu qui conduisait les Israélites dans le désert, et du milieu de laquelle Dieu leur adressa souvent la parole, dans cet ange qui se fit voir diverses fois aux anciens patriarches sous une forme visible, et en divers autres objets sensibles. Je ne rapporte pas ces exemples comme étant tout à fait pareils, mais comme ayant quelque rapport à la chose que je voudrais tâcher de représenter, et comme étant propres à en donner quelque idée. Voilà l'idée de l'union personnelle du Père avec le Fils et le Saint-Esprit. Cette union personnelle n'est qu'une manifestation extraordinaire de la gloire et de la présence divine en ces deux intelligences finies, mais une manifestation beaucoup plus grande, et plus fixe qu'on ne la peut concevoir en tout autre sujet. Vous m'avouerez bien, monsieur, que le degré du plus ou du moins, n'en change point la nature. Et ce ne sera jamais qu'une manière d'être, et de se manifester. Elle ne fera jamais qu'une relation du Dieu qui se manifeste, non par rapport à une autre personne divine, mais par rapport aux organes dans lesquels il se manifeste, ou aux hommes auxquels il le fait. En croirez-vous l'auteur? Voici de quelle manière il s'exprime dans son huitième principe. La relation qu'il y a entre le Père et les deux autres personnes n'est pas une relation entre la divinité du Père et la divinité du Fils, ou la divinité du Saint-Esprit, car ce ne sont pas trois divinités différentes, mais le seul et même Dieu, le seul et même être qui ne saurait être mis en relation avec lui-même. Mais c'est une relation qui a lieu entre la divinité qui est toute pure dans la personne du Père, et les deux intelligences finies. C'est-à-dire que si l'on veut considérer la seconde personne, relativement à la première, comme étant Dieu l'une et l'autre, la relation est impossible, parce que la pluralité des personnes n'a point d'existence dans la divinité, et que par conséquent cette considération relative d'une personne à l'autre ne peut avoir lieu qu'entre l'être infini et deux intelligences finies. Donc, selon cet auteur, l'union personnelle ne multiplie point le nombre des personnes divines, donc elle n'établit qu'une simple relation entre le Créateur et deux créatures, donc elle n'est autre chose que la dénomination des Sabelliens. Donc elle n'opère qu'une trinité nominale, et donc enfin elle ne donne une trinité réelle qu'à l'arienne, en comptant pour le nombre de trois, un Dieu incréé, et deux êtres créés. Malgré cette union personnelle, l'auteur compte toujours le nombre des personnes dans le sens arien, ne regardant que le Fils et le Saint-Esprit que comme des créatures. À moins que de s'aveugler volontairement, on verrait tout cela comme moi, si l'on daignait examiner la chose, non dans l'illusion que font certaines expressions de l'auteur, mais dans le sens naturel des expressions qu'il emploie pour exposer son système. Dans le système, il est clair comme le jour que la distinction des personnes est une, page 17, distinction de substance à substance. L'auteur le dit formellement en quelques endroits que j'ai rapportés ci-dessus, et que je me lasse de répéter si souvent. Par conséquent, il y a, selon lui, dans la Trinité réelle, trois substances distinctes, et cette Trinité ne serait pas réelle s'il n'y avait qu'une seule substance. Par conséquent encore, sa Trinité ne peut être que celle des Ariens, c'est-à-dire, un Dieu et deux êtres créés. Outre la divinité, dit-il dans son premier principe, outre la divinité qui est unique en nombre, il y a deux êtres intelligents finis, auquel Dieu a donné l'existence, et Dieu, ajoute-t-il dans le troisième principe, Dieu et ces deux êtres finis auxquels Dieu s'est uni, constituent trois personnes, c'est-à-dire trois êtres intelligents distincts l'un de l'autre. Ainsi, dit-il enfin dans le cinquième, dans la personne du Père il n'y a qu'une seule nature, c'est la divinité toute pure, et dans chacune des deux autres personnes, il y a deux natures. L'union personnelle du Père avec le Fils et le Saint-Esprit n'a donc rien changé à la nature de ces deux intelligences finies. Après cette union, elles sont encore des êtres finis, comme elles l'étaient auparavant, et ce n'est que parce qu'elles n'ont point cessé d'être des intelligences finies qu'elles constituent le nombre de trois personnes. L'auteur pouvait-il le dire avec moins de ménagement? On dirait néanmoins qu'il a craint de n'être pas entendu, il semble avoir appréhendé qu'on ne le crût trinitaire à l'orthodoxe, et qu'à la faveur de quelques expressions équivoques, on ne se persuadât qu'il reconnaît le Fils et le Saint-Esprit pour des personnes divines en conséquence de leur union hypostatique avec la personne du Père. Son scrupule à cet égard est allé jusqu'à rompre en visière aux orthodoxes, sans nécessité aucune, et sur certains articles où son silence aurait pu en imposer à quantité de personnes. Je rapporte à ceci ce qu'il dit du titre de Fils de Dieu, donné à Jésus-Christ et de la génération éternelle du Verbe. Il aurait bien pu dire que la seconde personne est Fils de Dieu à un égard, et que sa génération est éternelle dans un sens et s'exprimant de la sorte il conservait au moins quelque respect apparent pour nos confessions de foi, et pour le sentiment reçu dans l'Église. Mais non, il ne veut tromper personne, et de peur de mépris il déclare que la seconde personne toute unique elle est avec le Père, n'est le Fils de Dieu qu'en qualité d'intelligence finie, et que sa génération n'est point du tout éternelle. Page 44. La seconde personne, dit-il, n'est pas appelée Fils de Dieu, et n'a pas été engendrée en qualité de Dieu, mais en qualité d'être intelligent fini. Page 27, 28, 29. Depuis près de 2 ans, je n'ai pu encore m'imaginer qu'une seule objection que l'on me pourra faire. Cette objection regarde l'article de la génération éternelle du Fils. On pourrait prétendre que l'éternité de la génération du Fils est un article de foi, et une vérité démontrée par l'Écriture. Je sais bien que l'on se fonde sur 3 passages, mais de tous ces passages je n'en trouve pas un seul qui soit concluant. Ce langage est si différent de celui de nos confessions de foi, il y est si opposé qu'il m'a donné 2 sujets de la dernière surprise. Le premier est que l'auteur ait osé dire que son système ne différait presque en rien de celui des orthodoxes. Note. Nous croyons que Jésus-Christ, quant à la nature divine, est le Fils unique de Dieu, et éternellement engendré, n'étant point fait ni créé, car il serait créature mais d'une essence avec le Père coéternel. Non point seulement Dieu depuis qu'il a pris notre nature, mais de toute éternité. Confession de foi approuvée au synode de Dordrecht, article 10 et à l'article 8. Nous croyons en un seul Dieu qui est une seule essence, en laquelle il y a 3 personnes, réellement à la vérité, et éternellement distinguées, selon leurs propriétés incommunicables. Fin de la note. Quoi ? N'est-ce presque rien qu'une trinité composée d'un Dieu et de 2 créatures, au lieu d'une trinité qui consiste en 3 personnes de la même substance ? N'est-ce presque rien qu'un Fils de Dieu qui ne l'est qu'en qualité d'intelligence finie, en la place d'un Fils de Dieu qui l'est de sa nature ? N'est-ce presque rien qu'une génération par voie de création, au lieu d'une génération éternelle, et par voie de consubstantialité? Il faut se moquer du monde pour dire que cela n'est presque rien. Ce qui me surprend deuxièmement, c'est que l'auteur qui voulait nous laisser croire qu'il n'y a presque point de différence entre son système et le nôtre, ait eu l'imprudence, dirais-je, ou la sincérité de découvrir si clairement sa pensée sur deux articles, où rien ne l'obligeait encore à le faire, que la seule appréhension de paraître symboliser trop avec l'orthodoxie. Mais ce qui me surprendrait plus que tout cela, ce serait qu'il y eût quelques personnes intelligentes qui n'entendit pas ce qu'il exprime si nettement. Il déclare nettement que, nonobstant l'union personnelle avec le Père, le Fils, en tant que Fils et en tant que seconde personne de la Trinité n'est qu'une créature, et l'on pourrait s'imaginer qu'il a voulu dire que ce Fils, en tant que Fils de Dieu, et que seconde personne de la Trinité, est Dieu et vrai Dieu? Ne voit-on pas que ce serait une contradiction dans les termes? Mais, me dira-t-on peut-être, qu'est-ce donc qu'il a voulu dire? Je réponds avec ingénuité que je n'en sais rien, et que je ne crois pas qu'il le sache lui-même. Il s'est fait illusion, comme il en a pu faire à quelques personnes. Il a cru que le sabellianisme corrigeait le venin de l'arianisme, et il n'a pas pris garde que l'association monstrueuse de ces deux systèmes ne remédiait aux défauts ni de l'un ni de l'autre. Je crois en avoir donné des preuves suffisantes, et je passe à présent à considérer la nouveauté de son système. Mark M. Dan, archive.org d'après books.google.fr, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.